Comme je pars du principe, il n'y a rien ici-bas qui rapproche les deux types, d'exploiteur et d'exploité. Je me suis dit tout de même, puisque j'ai encore le choix, je cautionne le système qui saura m'en tenir gré. Je suis un presque PDG, je suis un presque PDG. C'est à force de courbettes et de lèche appropriée que j'ai appris les recettes qui rapportent de gros sous. Maintenant je vis à l'aise, je dépense sans compter, les scrupules sont fadaises, on y soit les gens jaloux. Je suis un presque PDG, je suis un presque PDG. Ne croyez pas que j'ai honte d'être un homme parvenu. L'important, en fin de compte, c'est de pouvoir le montrer. Je méprise sans embâche ces minables peignes-cul, ces résidus d'esclavage qui se drainent à mes pieds. Je suis un presque PDG, je suis un presque PDG. Quelquefois je fais des grises d'autorité. Les gens se syndicalisent et s'en vont revendiquant. Moi j'aime bien leur requête, ça finit par m'amuser. Quelques dîmes à la sauvette et les voilà bien contents. Je suis un presque PDG, je suis un presque PDG. Et partant de ce dilemme, moi j'ai su me démerder. Qu'ils aillent avec leurs problèmes, pour autre part si j'y suis. Mais le trafic en magouille, j'accumule les deniers. Le fric coule dans mes fous, j'en dépense, je m'ennuie. Je suis un pauvre PDG, je suis un pauvre PDG.